BR Métal, avec 4 divisions mobilierpublic.com, BR Industrie, Aluco et BR Peinture Industrielle, est une entreprise en pleine expansion avec plus de 45 employés. Pour nous, la jeunesse et l'économie nous tient à cœur. C'est pour cette raison que nous sommes très heureux d'être partenaires de la chronique du président du hockey mineur David Lamontagne. BR Métal, 353 Gustave Dessuroy d'Olbeau-Mistassini, 418-276-5888. Les employés et la direction de BR Métal souhaitent une bonne saison à tous les hockeyeurs et les équipes de Olbeau-Mistassini. C'est la chronique du hockey mineur de Olbeau-Mistassini avec David Lamontagne, présenté par BR Métal. Salut David. Salut Danny. David, j'ai une bonne idée à matin. Là. Je m'irais à confirmer, à appeler quelqu'un, puis je vais lancer l'idée la semaine prochaine. J'en ai parlé avec Hugo Malta hier du hockey mineur de Robertval. Je trouve l'idée très intéressante. On sait que l'année prochaine, normalement, si on suit la logique, ça devrait être les Saguenay de Chicoutimi devraient aller à Saint-Félicien. Si on suit la logique, si Saint-Félicien lève la main, même Alma, ça pourrait être... ce sera pas de le boom ceci l'an prochain. Les Marquis de Jonquière, match sur concours, même principe. Si vous avez deux joueurs de Dolbeau, Simon Tremblay, Philippe Paradis. Oui. Les gens aiment apparemment aiment aussi le hockey senior. Là, il reste à savoir si ça pourrait être intéressant pour eux. Mais si c'est bon pour les Sags, pourquoi ce serait pas bon pour les Marquis? C'est peut-être moins une habitude. Ouais. Je ne sais pas si l'achalandage est aussi bon, mais peut-être que s'il y a une ouverture des Marquis, je pense que ça serait pas mauvais. Là. Ben là, c'est comme je disais à Hugo. Ça créerait peut-être une habitude aussi aux gens du haut du lac d'aller voir les Marquis. Là. C'est comme je disais à Hugo hier, il va falloir que vous l'essayez pour le savoir. Il y a des affaires que vous avez essayées par le passé que ça n'a pas marché. C'était-tu il y a quelques années qu'il y avait eu les vedettes de Lancé-Comte? Non, c'était au profit du club optimiste. Les Lancé-Comte, puis ça avait été un flop monumental. On sait que les anciens Canadiens, ça fonctionne très bien. Les Saguenayens, ça fonctionne très bien. Les Marquis, c'est quand même assez populaire. C'est même très populaire. Il reste à savoir si c'est... Mais c'est parce qu'à quelque part, c'est très bon. C'est une belle source de financement. Puis ça... Vous avez fait autant d'argent avec Caroline que l'année passée. Ils sont intéressés et que c'est dans leurs objectifs. Il ne faut pas pourquoi que ça ne se ferait pas. Là. C'est tout dépendant de l'intérêt des gens aussi. C'est moins une valeur sûre que les axes peut-être, mais en même temps, ça créerait peut-être une habitude. Ben, vous avez deux joueurs de Dolbeau. C'est quand même du bon cap en plus que deux joueurs de Dolbeau, comme ça. Ben, c'est pour ça que je te dis ça. Là. Quelque part, il y aurait-tu de quoi à faire l'an prochain là-dessus? Parce que je reviens à ce que je voulais dire. Tu sais, 12 000, vous avez fait 11 000 piastres l'année passée. C'est quand même moins d'ouvrages, beaucoup moins d'ouvrages qu'un tournoi, là. Puis c'est aussi payant. Oui, c'est sûr. Mais c'est quand même beaucoup de préparation, puis beaucoup de... Mais moins qu'un tournoi. Mais c'est quand même... Oui, c'est sûr. Oui. Je vais vérifier, puis je te donnerai des nouvelles la semaine prochaine, voir faire ma job de journaliste. Hey, David, je veux te parler des Ligues Simplettes. Il y a beaucoup de hockey aussi dans nos arénas, c'est ça que tu voulais me parler. Oui, en fin de semaine, beaucoup de hockey en fin de semaine dans nos arénas. Pour une fois, tu sais, des fois, il y a des fins de semaine plus tranquilles. Ouais. J'invite les gens à aller voir les matchs. Je sais que vendredi soir, les nos castors qui jouent dans le budget 2B à Dolbeau. Après ça, samedi, il y a des matchs à Dolbeau. La Tombe, les Loups jouent contre les Patriotes de Saint-Bruno. Dans le Bantam B, les Rebelles viennent jouer contre les Loups. Ensuite, dimanche à Dolbeau aussi, dans la Tombe 2B, le National vient visiter Rapide. Dans la Tombe A, Patriotes contre les Éperviers. La Tombe B, Aiglon contre les Loups. Midgeta, en soirée, joue à 17h contre les Sabres. Les Éperviers jouent contre les Sabres. À Mistassini, il y a plein de matchs samedi aussi. On a les Pee-Wee 2B qui joue contre les Marquis. Pee-Wee-A, Janois contre les Loups. Midgeta, le 18h, les Cougars viennent jouer contre les Éperviers. Okay. Dimanche aussi, le match d'ouverture du Bantam 2B des Rapides contre les Sags à compter de 14h. Okay. À Normandie, on a des matchs aussi. Samedi, Pee-Wee B. de Napi-Wibé à 14h. Les Éperviers jouent. Dimanche, on a deux matchs à Tombe B Éperviers. Ils jouent aussi. Bantam B joue aussi dimanche à 16h à Normandin. Fait qu'on a des matchs en mars. On invite les gens à aller voir les matchs dans le Crawley. Pour une fois que c'est chez nous. Puis on a des matchs en mars en fin de semaine. Ben oui, oui, oui. Puis, hey, David, dans le Saint-Pellet aussi, hein? Pardon? Dans le Saint-Pellet aussi. Oui, c'est ça. Oui, donc il y a beaucoup de matchs. T'as-tu d'autres choses à mentionner? Peut-être le tournoi à Tom Bantam, on va en parler bientôt. Fait que, y a-tu. Les tournois sont en préparation. C'est sûr qu'on a les tournois Bantam qui s'en vient du 14 au 19. Okay. Je sais qu'il y a quand même pas mal d'équipes. On est assuré de toutes les catégories. C'est-à-dire Bantam B, Bantam A. C'est plus difficile dans le 2B. Ah, ouais. Okay. Mais pour le Bantama, Bantam B, oui, il y a quand même des équipes de l'extérieur. Je pense que jusqu'à maintenant, il y a à peu près 20-25 équipes. Okay. Après ça, le tournoi à Tombe Pioui la semaine d'après. Ils sont en préparation aussi. Puis il y a sûrement beaucoup d'équipes que j'ai su quand ça allait se jouer encore. Il allait utiliser encore l'aréna de Normandin, ça veut dire. Ah, c'est bon ça. C'est quand même bon pour oui. Ouais. Ben, c'est beau, fait qu'on s'en reparle la semaine prochaine, David, même pas. Oui, puis la semaine prochaine, je vais te parler des Saguenayens qui vont venir faire une pratique le 5 novembre. Ah, OK. Ils vont venir avec nos novices. Les Saguenayens de Chicoutimi, là, les Saguenayens de Chicoutimi, junior majeur. Oui, les Saguenayens de Chicoutimi qui vont venir... faire une pratique avec les jeunes, signer des autographes. Je vais t'en donner plus de détails la prochaine fois qu'on se parle. Bravo! On va avoir vraiment toutes les heures et tout l'endroit, puis je vais tout te donner ça. OK. Donc, David Lamontagne, président du hockey mineur de Dolbeau-Missisquoi.